Chapitre 19. Quand la CIA coopérait avec les islamistes en Bosnie. Lorsque le nouveau président Bill Clinton, plutôt novice en politique étrangère, prend ses fonctions en janvier 1993, l'un des dossiers internationaux urgents qui s'impose est celui de la Bosnie. Après l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, le Serbe Milosevic a proclamé une nouvelle fédération yougoslave regroupant la Serbie et le Monténégro, tandis que de nouvelles républiques serbes voyaient le jour en Krajina et en Bosnie. Face à la répression dont sont victimes les musulmans de Bosnie, les Occidentaux doivent décider de prendre ou non position en faveur de leur dirigeant Izetbegovic. L'administration Clinton leur est très favorable, malgré les avertissements de la CIA, qui note que les groupes musulmans de Bosnie, soumis à de réelles atrocités, sont aussi en lien avec divers groupes terroristes islamistes et fournis en armes par l'Iran. Pendant la campagne présidentielle, le candidat Clinton a promis de lever l'embargo de l'OTAN sur les armes à destination des musulmans de Bosnie. La France et la Grande-Bretagne, qui ont de forts contingents de casques bleus en Bosnie, n'y sont pas favorables, tandis que l'Arabie saoudite pousse au contraire de toutes ses forces. Prudente, l'administration américaine s'en tient dans un premier temps à une livraison d'armes légères et favorise la constitution d'une fédération croato-musulmane qui aboutit en mars 1994. En avril, sans que le directeur de la CIA, Woolsey, n'en soit averti, Clinton autorise le commerce d'armes sous l'impulsion de son conseiller national à la sécurité, Anthony Lake, lequel a fait ses premières armes dans l'équipe de Kissinger. Le 4 mai, un premier appareil iranien de transport d'armes atterrit à Zagreb. À l'époque, l'Iran est soumis à de lourdes sanctions et n'est pas un interlocuteur officiel de l'administration américaine. Stupéfait de ce retournement imprévu, Woolsey n'a plus qu'à proposer l'aide de l'agence, qui pour cette affaire aura plutôt freiné que suscité les opérations. Entre 500 et 800 millions de dollars d'armes vont être livrés par ce circuit. En février 1995, les Américains ne laissent plus seulement faire les Iraniens, mais commencent à livrer eux-mêmes du matériel, via la Turquie, en violation de l'embargo officiel. La CIA, instruite par l'affaire Iran-Contras, ne livre pas elle-même, mais fait appel à une société militaire privée, MPRI, Military Professional Resources Incorporated. En novembre 1995 interviennent les accords de Dayton, qui, en principe, mettent fin au combat de Bosnie. La présence iranienne s'est accrue spectaculairement en Bosnie depuis le début des transferts d'armes autorisés un an plus tôt. Des gardes révolutionnaires iraniens accompagnent les livraisons d'armes et rejoignent l'armée bosniaque. Les services secrets iraniens, VEVAK, bâtissent leur réseau dans la région. La CIA essaie de renverser la vapeur et réclame une purge des services bosno-musulmans infiltrés par l'Iran, mais sans succès. Pour autant, les États-Unis ne cessent pas leur soutien à l'armée bosno-musulmane, désormais composée pour une large part de Mujahideen. En février 1996, Washington met en place un programme d'aide de 800 millions de dollars, subventionné par les États-Unis et plusieurs pays arabes. Missiles, chars d'assaut, hélicoptères arrivent des États-Unis. La Bosnie devient un vrai bouillon de culture où voisinent Hezbollah iranien, GIA algérien, djihad islamique égyptien, bientôt rejoint par Al-Qaïda. L'accueillant président Izetbegovic déclare après un raid de soldats de l'OTAN dans un camp tenu par les Iraniens « Nous avons bien d'autres camps en Bosnie où nous formons des gens à la chasse aux criminels de guerre. Nous poursuivons ces activités. » Des centaines, sans doute des milliers de combattants islamistes ont ainsi été formés et dotés d'armes dernier cri pendant plusieurs années dans les camps bosniaques. On les retrouvera dans d'autres conflits, en particulier au Kosovo, et dans les attentats qui vont se multiplier contre les intérêts américains en Afrique et au Moyen-Orient. Dans cette affaire, la CIA n'a pas fait preuve d'inconscience, elle a simplement échoué à convaincre l'administration Clinton des conséquences néfastes de ses choix politiques.